Stephen King n'aime plus tant que ça Total, Stephen King aime Stephen King a écrit Poids lourd et Stephen King l'a adapté. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris. Salut. Ça va? Bah ça, j'ai dû faire un peu de stop pour venir ici, mais ça va, c'est bizarre, il n'y avait pas de chauffeur, j'ai pas compris. Ouais, mais il t'a amené à bon port. Bah on n'est pas au port ici, Issam. On est en effectivement, c'est à la fin du film qu'on est au port. Voilà. Et on reviendra. Commence à m'ennuyer avec le port. Le port, salut. C'est écrit dessus. Bon, on va peut-être y aller tout de suite. Ouais, c'est mieux. Maximum Overdrive, pardon, s'est adapté d'une nouvelle qui s'appelle Poids lourd, dont on a déjà parlé puisqu'elle a été adaptée une autre fois par la suite dans Trucks, les camions de l'enfer, je crois. Ouais, ce titre. Voilà, dont on a déjà parlé. Donc la nouvelle, je vous laisse vous référer à cet épisode pour en savoir plus. Le film Maximum Overdrive est sorti en 1986. Il dure 98 minutes. Et nous allons spoiler le film au cours de ce podcast. Mmh. C'est parti ? C'est parti. Et appuie sur le champignon, ouais ! Salut. Je m'appelle Stephen King. J'ai écrit plusieurs scénarios de fiction. Mais je vais vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur, car c'est le tout premier que j'ai réalisé. Bon sang, qu'est-ce qui se passe dans le coin ? Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont porté mes histoires et mes romans à l'écran. Et j'ai découvert que si on veut que quelque chose soit parfaitement réussi, il faut le faire soi-même. Il n'y avait personne dans le camion, et c'est complètement dingue. Garde-y ! Il va nous rentrer dedans ! Vous savez, j'ai pris un malin plaisir à réaliser ce film. Et je crois que vous aussi, vous allez prendre plaisir à le voir. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien ! Cette fois, vous allez assister à un véritable carnage. Vous voulez la guerre ? Vous l'aurez ! Il faut qu'on fiche le camp ici. Venez passer un moment très agréable avec les camionneurs du Dixie Boy. Accrochez-vous à vos fauteuils. Non, pas la lumière, j'ai peur d'entendre. Attention, vous n'allez pas en ressortir indemne. Vous allez vous sentir mal. Tu vas finir par nous attirer de sacrés ennuis. On est déjà dans la merde. Terreur maximum. Attention, ce putain de camion. Le meilleur Stephen King. Peut-être que demain, tout redeviendra normal. Dino De Laurentiis présente le film de Stephen King. Donc, Maximum Overdrive, ça raconte l'histoire d'un groupe de gens qui se retrouvent piégés dans une station-service alors que les camions et tous les engins à moteur, enfin parfois, oui, se retrouvent... Le film a ses règles et on les comprend pas trop. Se retrouvent à prendre vie suite au passage d'une comète. Mmh. Parce que pourquoi pas. Donc, pour la genèse, dans les années 80, Dino De Laurentiis possédait les droits de pas mal de nouvelles de King. Il avait déjà produit Peur Bleue, Cat's Eye, Dead Zone et Charlie. Et Maximum Overdrive, ça mettra fin à cette série d'adaptations, d'ailleurs, même si Dino De Laurentiis sera plus tard impliqué sur Vengeance Diabolique, un téléfilm qui est sorti en 91, je crois, donc 5 ans plus tard. On a déjà parlé de lui dans l'épisode consacré à Peur Bleue, et à la production sur Maximum Overdrive, on retrouve aussi Martha Schumacher, qui allait devenir après Martha De Laurentiis, qui était visiblement plus impliquée que Dino sur le tournage lui-même. C'était elle surtout qui était présente vraiment sur place, en partie pour surveiller King, qui était un réalisateur débutant. Ah oui, effectivement. Le film est coproduit par Milton Subotsky, un producteur britannique qui avait acheté plusieurs nouvelles de Danse Macabre. Dans sa filmo, on trouve des trucs genre Le Train des Épouvantes, Lâcher les Monstres et Le Jardin des Tortures, donc de l'horreur britannique un peu à l'ancienne. Personnellement, j'aime bien, mais visiblement, King n'aimait pas du tout ce que faisait Milton Subotsky. Ah bon ? Ouais. Lâcher les Monstres, c'est très sympa, quoi. Et Le Train des Épouvantes aussi. Pas souvenir de l'avoir vu, celui-là. Il est cool, c'est un film à segments avec... celui avec Christopher Lee ? Si, je crois, c'est ça. Alors si, peut-être que je l'ai vu. Il est vraiment sympa. Et à la base, le projet de Subotsky, en fait, c'était de faire un film à sketch centré sur des histoires de machines tueuses tirées de Danse Macabre, donc ça aurait été adapté aux côtés de La Pastorale et de La Presseuse, mais il n'a pas réussi à réunir le budget, et donc il passe un deal avec Dino De Laurentiis pour lancer le film quand même. Stephen King, il avait déjà été très impliqué sur les productions de Cat's Eye et Peur Bleue, parce qu'il était scénariste dessus et il avait beaucoup suivi la production, donc il était assez proche en fait de Laurentiis, ce qui veut dire que c'est pas étonnant qu'on lui ait demandé de faire le scénario de Maximum Overdrive. Même si apparemment, d'après certaines sources, mais là il y a un peu des divergences, King aurait été au départ hésitant à faire le scénario. Mais finalement il le fait. Et là, encore une fois, on trouve un peu deux sons de cloche différents entre est-ce que c'est King lui-même qui a demandé d'office la réalisation à Dino De Laurentiis, et De Laurentiis se serait dit que c'était un bon coup de com', ou est-ce que c'est De Laurentiis qui a le premier l'idée, qui le propose à King et qui doit un peu le convaincre parce que King était hésitant à la base. J'ai eu les deux versions selon la source. Le Blu-ray dit plutôt que King était hésitant au départ. Dans pas mal d'interviews, y compris de Martha De Laurentiis que j'ai lu en ligne, c'est une demande de King. Donc je sais pas qui écouter en fait. Moi je pense que quand t'es producteur, tu te dis que foutre le nom de Stephen King en tant que réalisateur sur l'affiche, ça fait un bon coup de promo. Ah bah ça clairement, de toute façon oui. Je pense que cette hypothèse-là est loin d'être déconnante. Le salaire de King a été, d'après ce que j'en ai trouvé, assez bas, 70 000 $. Enfin... moi je cracherais pas dessus, bien sûr. Non, mais je veux dire, par rapport à ce que King aurait pu se faire s'il avait plus écrit pendant plutôt que de réaliser le film, je pense que c'est largement en dessous, parce que c'est mon avis, avec les royalties d'un livre, il touche beaucoup plus, tu vois. Oui. Mais ça lui plaisait probablement de pouvoir contrôler tout sur un projet pour une fois, même si apparemment De Laurentiis avait l'autorisation de le remplacer en cas de gros problème si vraiment les rushs étaient une catastrophe. Ouais. Voilà. Bah, et puis on va pas se voiler la face non plus, hein. On te propose de réaliser un film, bah go quoi. Oui, c'est ça. Franchement, t'y vas, hein. Je connais peu de personnes qui diraient « Oh non, bon non, oh non, j'ai piscine. » Mais comme on le verra, il y a eu des soucis de... quand même, enfin des désaccords entre les deux sur la prod qui auraient pas mal frustré King. Le budget était de 9 ou 10 millions de dollars. Le rôle principal, celui de Bill, est joué par Emilio Estevez, star montante à l'époque, frère de Charlie Sheen et fils de Martin Sheen, qui avait déjà joué Martin Sheen pour un King adapté par De Laurentiis puisqu'il était dans Dead Zone. Ouais. Et il jouait l'homme politique. Ouais, c'est ça. Emilio Estevez, à l'époque, bon, c'était encore relativement son début de carrière, mais il avait déjà joué dans The Outsiders de Coppola et dans The Breakfast Club de Hugh. Donc bon, deux films qui sont peut-être quand même ses plus gros succès. Hein. Ouais. Avec peut-être Saint Elmo's Fire, mais qui était sorti aussi à l'époque. Par la suite, il n'aura pas une aussi grosse carrière que le reste de sa famille, hélas. Même si on peut le voir dans Alarme Fatale, qui est très sympa, et dans Young Guns, qui est apparemment assez populaire. Et il a aussi réalisé plusieurs épisodes de séries télé et quelques films. Apparemment, l'obtenir, ça n'a pas été simple, c'est parce qu'il avait beaucoup de demandes à l'époque. Et on suppose que c'est grâce à la participation de Martin Sheen à Dead Zone, justement, que De Laurentiis avait des premiers contacts avec la famille et a pu l'attacher à ce projet-là. Ouais. D'après Roberto Croci, qui était traducteur pour De Laurentiis, King et le directeur photo d'Annunzi, King voulait au départ Bruce Springsteen dans le rôle de Bill, mais De Laurentiis ne voulait pas parce qu'il ne connaissaient pas, ils jugeaient que Bruce Springsteen n'était pas assez connu. Alors que j'ai vérifié la carrière de Springsteen, que j'avais pas les dates en tête. Born in the USA, c'était déjà sorti, et globalement, oui. Pour moi, c'était déjà une superstar à l'époque, oui. Tu vois, le mec. Il était déjà très connu. Ouais, c'est ça, donc je sais pas. Peut-être qu'il avait pas percé en Italie, mais pour moi, c'était déjà une star qui aurait pu aider à vendre le film, tu vois. Donc, là, pour le coup, décision étrange. Et visiblement, grâce à sa présence, il y a des très bons acteurs et actrices qui sont passés sur le tournage, genre Tom Cruise et Demi Moore, mais ils sont pas dedans. Ah oui, effectivement, ouais. On les aurait vus. Hein. C'est ça. Peut-être qu'ils ont été retirés numériquement. Peut-être. Et donc, par la suite, Emilio Estevez a déclaré à propos de sa participation à ce film, quand on lui demandait s'il avait des regrets au sujet de sa carrière. Si, senor. Non, c'est pas vrai. Oh oui, je ne parle pas dans son dos, parce qu'il sait que ce film est nul, mais Stephen King parle souvent de son seul film comme réalisateur, Maximum Overdrive, dans lequel j'étais. Le peu de fois où j'en ai parlé avec lui par la suite, il me demandait « Pourrais-tu me pardonner ce truc ?» À un moment, je crois que ma mère m'a demandé « Pourquoi tu as fait ce film ?» Et j'ai répondu « Je voulais travailler avec Stephen King. » Et elle a dit « Tu n'aurais pas plutôt pu l'aider à repeindre sa maison ?» Voilà. La maman est très drôle. Oui. Le rôle de Brett, qui est une autostoppeuse, qui est plus ou moins l'héroïne secondaire du film, est joué par Laura Harrington, qui a surtout joué des rôles secondaires dans sa carrière. Elle a un peu scénarisé. On peut la voir dans L'avocat du diable, dans un tout petit rôle. Mais voilà. Et apparemment, il y a eu un désaccord entre King et De Laurentiis au sujet de son costume, parce que King voulait vraiment l'habiller en mode... totalement garçon, pour employer les termes de l'époque, en jean, enfin pantalon jean et compagnie. Ah, garçon, et De Laurentiis voulait imposer un truc qui fasse plus sexy quand même. Ouais. Voilà. Le couple de jeunes mariés Curtis et Connie est joué par John Short. C'est son premier rôle dans un long métrage et il n'a pas eu une énorme carrière depuis. Et Yardley Smith. Alors Yardley Smith, elle a joué un peu dans des films et séries comme actrice dans des rôles secondaires. Mais en fait, son truc le plus connu, c'est Autre chose. Et tu l'as vu en VO ou en VF? En VO. Alors, du coup, son visage, je pense que tu ne l'as pas reconnu. Mais est-ce que sa voix te disait quelque chose? Bah, elle a typiquement une voix de doubleuse de dessin animé, mais. Ouais. Quel personnage? Alors là, Un personnage de dessin animé, c'est un métier qu'elle a encore aujourd'hui, qu'elle a commencé à l'époque de Maximum Overdrive, c'est un petit peu plus tard. Et qu'elle continue à doubler. Et qu'elle double encore aujourd'hui. Un personnage connu? Ah oui. Alors là, comme ça, sans. Un indice, monsieur. Bah déjà, le fait que c'est un truc qui dure depuis 30 ans et qui s'est pas arrêté depuis 30 ans. Un personnage des Simpsons? Ouais. Ah. Qui pourrait doubler dans les Simpsons? Marge? Non, mais c'est un membre de la famille. C'est un membre de la famille. Il y en a pas 36 des filles dans la famille. Et puis, fatalement, c'est pas Maggie. Non. Je sais, même s'il y a bien une doubleuse officielle de Maggie, mais qui double plusieurs autres personnages. La voix de Lisa, elle est pas comme ça en VO? Bah si, c'est Lisa. C'est Lisa, hein. Ouais. C'est la doubleuse de Lisa, alors qu'elle a une voix moins nasillarde quand elle double ça. Lisa. Elle hurle moins, surtout. Mais c'est la doubleuse de Lisa. D'accord. Et elle ne fait que ce personnage dans les Simpsons, alors que pas mal de doubleurs et doubleuses ont plusieurs rôles dans la série. Elle a que Lisa. Ouais, c'est vrai que les Simpsons, c'est... Le doublage est tellement bon, français, je veux dire, que bon... Mais même le doublage original, hein, pour le coup, je trouve vraiment que les voix des Simpsons sont très très bien dans les deux langues. Ah, alors pour le coup, j'ai du mal avec le doublage VO de Marge, je la trouve ultra hardcore dans la VO. Sa voix, elle est beaucoup plus brutale que la nôtre. Ouais, mais justement, je trouve que ça lui va bien. Ouais. Mais pour le coup, sa voix française est vraiment top aussi, hein, mais... Mais pour le coup, c'est une série, les membres de... Bah, les personnages secondaires, c'est un peu varié, parce que des fois, il y a des acteurs qui arrêtaient ou qui mouraient, hélas. Mais les membres principaux, je trouve vraiment les doublages excellents dans les deux langues. Ouais. Le problème des doubleurs qui meurent, on le connaît aussi. Même pour les Simpsons aussi, d'ailleurs. Sur une série qui dure 30 ans en même temps, voilà. C'est forcément un risque. Mm. Le patron de la station-service Endershot est joué par Pat Ingalls, qui est le commissaire Gordon dans les 4 films Batman, les 2 de Burton et les 2 de Schumacher. Oui. Et sinon, qui a aussi joué dans plusieurs films avec Eastwood. Il est dans Le Retour de l'inspecteur Harry, L'Épreuve de Force et Pendelé au Écourt. Et sinon, bah voilà, des seconds rôles, etc., etc. D'accord. L'enfant pré-ado, Deck, est joué par Holter Graham, qui aujourd'hui est surtout un lecteur de livres audio. Et il a lu Christine d'ailleurs. Ah tiens, d'accord. Voilà. Et par contre, son début de carrière, en fait, il a passé plein de castings, y compris pour plusieurs trucs adaptés de King. Il avait passé le casting pour Peur Bleue d'ailleurs. Et il était plus ou moins chaperonné par Sissy Spacek. Ah ouais. Voilà. Donc c'est un petit monde, le petit monde des adaptations de King. Et la dernière personne que je vais citer au casting, en fait, il a un tout petit rôle. Il joue le gamer dans la salle d'arcade au début. Tu l'as reconnu ? Oui, qui s'est fait électrocuter. Ouais, t'as reconnu qui c'était ? Ah non, par contre. C'est Giancarlo Esposito. Donc, ah ouais ? Ouais, donc qui s'est fait connaître. Même moi, je vois ça, je vois qu'il joue dans Breaking Bad. Bah, je l'ai pas du tout reconnu. C'est Gus dans... Ouais, c'est ça, c'est Gus dans Breaking Bad. Et il est aussi un collaborateur assez régulier de Spike Lee, par exemple. Oui, exact. Ouais. Bon, comme à peu près tous les acteurs afro-américains de Hulu, non. Voilà. Voilà. Mais donc, du coup, voilà, c'était son tout début de carrière, hein, c'est genre son deuxième ou troisième film. Pas du tout. Bah, en même temps, il a une tête de un peu de jeune de la cité. Ouais. C'est pas à ça qu'on l'associe, en fait, maintenant. Maintenant, on l'associe à un regard neutre qui peut passer de la neutralité à la violence en prenant Des rôles de gros psychopathes. Voilà. Et le problème, c'est que maintenant, il est un peu cantonné qu'à ça. Quoi. C'est un peu le problème, malheureusement, que j'ai avec lui, alors que dans Breaking Bad, toi, t'as pas du tout Breaking Bad, mais son talent d'acteur est quand même assez bon. Quoi. C'est... Bah, disons qu'il joue très bien un rôle que je trouve nul, mais il joue très bien. Voilà. Et le problème, c'est que maintenant, il est cantonné qu'à ça. C'est l'antagoniste du dernier Far Cry, Donc jeu vidéo de la série Ubisoft, hein. Et ben, c'est typiquement le même personnage qui joue, quoi. Ouais, ça se voyait dans les vidéos promo, d'ailleurs. Et là, au bout d'un moment, arrêtez-vous, quoi. Faudrait peut-être qu'il retourne chez Spike Lee, parce qu'on peut partir à Spike Lee, être un très bon directeur d'acteur. Ou chez... Ouais. J'ai pas vu le dernier Spike Lee encore, d'ailleurs, là, de Netflix. The Five Bloods. Ouais, il est bien. Il a quelques petits soucis de rythme, mais il est globalement bien. Et puis c'est un des derniers rôles de... comment ? Chadwick Boseman. Donc voilà. Son avant-dernier rôle, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Dernier, c'est Maz Better Blue, un truc comme ça. Ah oui, un film policier. Un truc sur la musique. Un film de police aussi. Ouais, ouais. Une musique jazz. Ouais, blues plutôt, j'imagine. Enfin, jazz blues. Enfin, bon. On s'y connaît, hein, là. On sent qu'on est dans une zone de confort. Mais bon, c'est un bon acteur. Hélas, pour le coup, vraiment mort bien trop tôt. Parce qu'il aurait pu faire de grandes choses, je pense. Ah oui. Ah oui, c'est Marvel. Il avait laissé faire ce qu'il voulait après. Ouais. Bah, après, il avait quand même réussi à travailler chez Spike Lee tout en étant chez Marvel. Donc, peut-être que lui, il aurait réussi à combiner. Le tournage, selon les bonus du Blu-ray, débute le 14 juillet, je trouve d'autres sources qui indiquent mai, à Wilmington, en Caroline du Nord, où De Laurentiis avait commencé à développer un complexe de studio à l'époque de Charlie. Un complexe de studio qui se développait pour une raison simple, c'est qu'en Caroline du Nord, les gens ne sont pas syndiqués, les techniciens, donc ça coûte moins cher. Ah, quelle espèce de petit connard. Voilà, c'est ce que je me suis dit en découvrant la raison. Ah, quelle espèce de petit enfoiré. Ah ouais. Ceci dit, Dino De Laurentiis, c'est un petit producteur. Enfin, un petit producteur. Il faisait avec des budgets relativement limités. Oui, voilà. Marvel fait la même chose. Hein. En fait, si Marvel engage autant de. En fait, fait autant d'effets numériques plutôt que de prendre des décors réels, même pour les trucs tout cons, c'est parce qu'un chef déco physique, c'est syndiqué. Ah oui. Tandis que les techniciens effets spéciaux, ça ne l'est pas. Donc, les stratégies de pute comme ça, même avec des budgets de 200-300 millions, ils les ont. Hein. Ils sont voilà. Malins. Alors, c'est ça. Alors. Je corrige, parce que c'est quelque chose qui m'énerve à chaque fois. Quand on dit Marvel, il faut dire Disney. Parce que dans le fond, Marvel n'y est pour rien. oui, ok, Disney, effectivement, t'as raison. La branche MCU de Disney. Et mais bon, Disney le fait surtout, t'as raison. C'est un peu comme les gens qui quand ils crachent sur le MCU, t'as l'impression qu'ils confondent les fans du MCU et les fans de comics. Mais non, c'est, c'est des gens totalement différents, les gars. Personnellement, le MCU commence à me sortir par les trous de nez, alors que bon, je suis un lecteur de comics depuis que j'ai 8 ans. Et je commence à prendre de plus en plus goût aux comics, via toi surtout. Voilà. Tu me corromps. Les corromps, ils sont au nord. Hache. Au même moment que Maximum Overdrive, il y avait donc un autre film produit par Dino De Laurentiis qui était en train de se tourner au même endroit, dans la même ville. Et donc les deux équipes se retrouvaient fréquemment. Bon, on va le faire un peu sous forme de quiz. Un film produit par Dino De Laurentiis, mais alors on n'est pas du tout dans le même genre que Maximum Overdrive, par un réalisateur très connu qui n'a pas fait de long métrage depuis un moment. Ouais. Je vais pas dire qu'il a rien fait parce que c'est pas vrai. Il a pas fait de long métrage, d'accord. Ouais, il a fait deux films pour Dino De Laurentiis. Là, celui qu'il était en train de tourner à ce moment-là, c'était son deuxième. Et son premier, il l'a plus ou moins renié. Oh là, y a pas assez d'un. Les indices sont trop compliqués. Alors, un réalisateur très connu, mais qui n'a pas fait de long métrage depuis 15 ans, je crois. 15 ans ? Ouais, mais il a fait une série, par contre, depuis. C'est pas d'Arabon ? Non, c'est pas d'Arabon. C'est un réalisateur ultra prestigieux, vraiment. Qui a collaboré, il a eu Nicolas Cage en rôle principal d'un de ses films. Il a eu régulièrement Laura Dern. Qui a rien fait depuis 15 ans. En fait, c'est sur ça que je bloque. Il a rien fait depuis 15 ans, sauf une série télé. Ouais, enfin une saison de série télé, la saison 3 d'une série télé. Ah, est-ce que ça serait une série télé d'anthologie ? Non. Ah. D'accord, je me suis fait niquer. Bah, je ne vois pas. C'est un réalisateur dont on comprend pas toujours tout à fait les films. Bah, c'est David Lynch, du coup. C'est David Lynch. Et donc, mais alors, quel film ? Bah, Blue Velvet, à l'époque. Donc, je sais pas si tu l'as vu, Blue Velvet ? Oui, il y a très longtemps, effectivement, c'est pas évident à comprendre au premier visionnage, il en faut deux, c'est mieux. C'est pas le pire encore, hein, je trouve. Mulholland Drive est plus compliqué, je trouve, effectivement. Ouais. Mais Blue Velvet, en fait, moi, je le mets un peu dans la même veine que Sailor et Lula. Ouais. Je trouve qu'il y a des ambiances un peu similaires dans les deux, et les deux, je trouve que ça fait vraiment partie de ses meilleurs... Je crois qu'avec Inland Empire, mais j'ai jamais compris pourquoi j'aimais Inland Empire, c'est les deux David Lynch que je préfère, hein. Je les trouve vraiment fous. En fait, je vais juste corriger un truc, du coup, c'est pas que Blue Velvet, Mulholland Drive et tout, c'est incompréhensible, en fait, tu comprends, mais à la fin du visionnage, t'as quand même l'impression de pas avoir eu toutes les cartes en main. Ouais. C'est ça, en fait, t'as l'impression d'avoir loupé quelque chose, de pas avoir eu... toute la scientifique moelle de l'œuvre. C'est ça le truc. C'est ce qui est intéressant chez lui, hein, voilà. De toute façon. Et en ça, attention, acrobatie, en ça, Lynch, c'est l'antithèse. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Non, je pense que je vois où tu vas en venir. Mais c'est l'antithèse d'un autre réalisateur dont on a dit souvent du mal ici. Ouais, de Nolan. Voilà. Ouais. De Nolan, qui aime bien lui faire compliqué pour faire compliqué, alors qu'en fait ça n'a rien de compliqué. Voilà. C'est vraiment l'antithèse, quoi. C'est miroir déformant. Lynch, j'aimerais bien. Alors il faut que je voie la saison 3 du coup de Twin Peaks. Twin Peaks. Faut que je la voie, mais j'aimerais bien qu'il refasse un long métrage quand même. Enfin, ce serait cool, quoi. Enfin, ça fait partie de ces gens-là qui ont été dégoûtés par comment fonctionne le système du cinéma, quoi. Bah, ça se sentait déjà un peu dans Inland Empire. Hein. Pour le coup, il est vraiment très cryptique, mais il y a quand même tout un côté critique de l'industrie cinématographique. Mmh. Tu sens qu'il a voulu faire un film le plus austère possible. En fait, c'est le film où il a dit j'en ai plus rien à battre, je fais mon truc, et vous adhérez, c'est bien, vous adhérez pas, je m'en fous, en fait. Et oui, ça fait partie de ces auteurs, en fait, qui ont été broyés par la machine Hollywood, en fait, par le système américain, qui, en fait, limite s'en sortirait mieux ailleurs. Ouais, peut-être. C'est vrai que dans d'autres pays, ils s'en sortiraient peut-être mieux, au final. Ah oui, c'est pas pour rien que, regarde, c'est pas pour rien qu'à Verhoeven... est venu chez nous pour réaliser des films, hein. Parce qu'il a bien vu qu'au final, il a quand même un peu plus de liberté sur sa vision. Verhoeven, en plus, il y a le, on dérive, mais il y a le fait que ses films sont souvent interprétés à contresens aux États-Unis, donc ça a dû le gonfler au roulant, on sait aussi. Parce que la manière de faire des films et la vision du cinéma est totalement différente. Qu'aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Nous, chez nous, on a une culture très, très d'auteur, alors que eux, ils ont une culture très, très, bah, très équipe, très studio en fait. Oui, producteur, oui. Voilà. Alors les deux sont... Enfin, aucune vision n'est... je trouve qu'aucune vision n'est bonne et aucune vision n'est pas bonne. Hein. C'est juste ce que t'en fais après, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais effectivement, pour des mecs comme Lynch, oui, il vaut mieux se trouver quelque part où on favorise la vision d'auteur. Clairement, ouais, pour eux. Et c'est typiquement ce qui s'est passé avec Carpenter. Bah oui, pareil, c'est ce qui est arrivé, ouais. Histoire, hein, c'est pour ça qu'il a arrêté. Hein. Il fait encore des musiques, maintenant. Et elles sont bonnes, hein. Ouais. Mais quitte à choisir, je préférerais quand même réavoir du Carpenter film. Ah bah oui, moi aussi, mais carrément. Parce que pour la musique, il y a Carpenter Woods. C'est vrai que c'est bien Carpenter. Non, le dernier album est très bien. C'est très bien. Pour revenir à Maximum Overdrive, le directeur de la photographie, c'est Armando Nannuzzi, un régulier de l'équipe de Laurentiis qui était déjà sur Peur Bleue, donc on en a déjà parlé. La communication avec King était un peu difficile parce que Nannuzzi et son équipe ne parlaient qu'italien. D'ailleurs, apparemment, ils avaient l'habitude italienne de parler pendant les prises vu que l'Italie ne faisait pas la prise son en direct à l'époque. Donc c'était assez déstabilisant, visiblement. Et De Laurentiis, en fait, l'a mis sur ce projet parce que Nannuzzi est un directeur photo très expérimenté. Et donc, bah voilà, il est capable de parrainer un peu King, qui était réalisateur en débutant. Et visiblement, régulièrement, c'était Nannuzzi qui disait « Il faut faire des master shots enfin des trucs comme ça. » Il faisait en sorte que King fasse des plans que sinon il n'aurait pas fait et qui étaient importants pour le montage. Hélas, le 31 juillet 1985, lors du tournage de la scène avec la tondeuse à gazon, il y a un éclat de bois qui est projeté dans l'œil droit de Nannuzzi. En fait, ils avaient enlevé la plaque de protection pour rendre la machine plus terrifiante, et ils n'avaient pas enlevé par contre les lames de la machine, alors qu'apparemment on ne les voit pas à l'écran, j'ai pas vérifié, et que Nannuzzi disait qu'il fallait le faire, mais King disait bah ce sera plus réaliste si elles y sont. Et bah il y a un bout de bois qui s'est pris dans la machine, qui est parti trop vite, et il y a un éclat qui a été projeté dans l'œil de Nannuzzi. Du coup c'est devenu trop réaliste. Ouais. Et du coup il a perdu l'usage de son œil droit. Ce qui a un peu ralenti sa carrière, même s'il a pu la continuer. Et il a attaqué en justice King et plusieurs autres personnes en réclamant 18 millions de dollars en dommages et intérêts, même si l'affaire sera réglée hors tribunal pour une somme que je n'ai pas identifiée. Attends, tu perds ton œil, oui. Ouais. C'est logique. Surtout quand t'es directeur photo, quoi. Ouais. Et le tournage reprend tout de même après 2 semaines de pause. C'est tout. Bah en fait, il a pas perdu l'usage de son œil tout de suite. Dans un premier temps, il croyait qu'il allait se remettre. Et puis, il y a dû y avoir des complications, voilà. Aïe. Mais donc, tu peux voir des photos d'époque où il y a Nannuzzi en mode un peu pirate avec un cache-œil. Ouais. Voilà. Le responsable des effets spéciaux, c'est Dean Gates, un élève de Tom Savini qui était déjà présent sur Le Jour des Morts Vivants en assistant. En parallèle de Maximum Overdrive, il était justement sur Blue Velvet. J'imagine qu'il était sur des trucs genre l'oreille et compagnie. Ouais. Et il a aussi travaillé sur Maniac Cop 2, Fantasme 3, Deep Space Nine, la série Star Trek, et Mario. Le film ? Ouais, avec Bob Hoskins. Bah, cela dit, les effets spéciaux n'étaient pas le pire du film Mario. Bah, en fait, les effets spéciaux étaient même plutôt réussis. Le souci, c'est qu'ils étaient assez horribles, en fait. Enfin, horribles, ils faisaient peur, quoi. Mais du coup, ça collait pas avec ce que doit être un film Mario. Mmh. Les effets spéciaux étaient loin d'être mauvais. Et j'en profite pour dire que la série des Maniac Cop, c'est vraiment bien. Ouais, c'est très sympa, ouais. Oui, parce qu'on avait déjà eu un acteur qui y était la dernière fois, je crois. Il témoigne, il y a une interview de lui, en fait, sur le Blu-ray, et c'est une des plus intéressantes, parce qu'il fait part de pas mal des effets qu'il a créés, et qui, en fait, n'ont finalement pas été gardés, parce qu'ils étaient particulièrement gore. Et en fait, ça avait l'air trop top, ça avait l'air trop fun. Donc c'est dommage que le montage du film, au final, ait décidé d'effacer ça. Ouais. Mais visiblement, c'était limite prévu dès le départ. Il y a des scènes qui ont été tournées en 2 versions, une gore et une plus sobre. À la censure, c'est finalement quasiment toujours la plus sobre qui a été gardée. Mais par exemple, il parle de la scène où un gamin se fait écraser par le rouleau compresseur. Ouais. Et involontairement, en fait, ça avait fait la pression sur le bas du corps. C'est un mannequin qui est utilisé, évidemment. Et la pression sur le bas du corps avait fait exploser la tête du mannequin. Et ça avait projeté des trucs qui ressemblaient à de la cervelle partout. Et du coup, apparemment, les fées, il en était trop content, lui. Et bah, ça n'a pas été gardé parce que c'était beaucoup trop gore. Parce que oui, je pense que ce qu'il voulait faire, c'était pas un film. Interdit au moins de 12-16 ans, il voulait faire un film un peu plus public. King aurait été pour garder les versions gore. Hein. C'est, pour celui, ça le faisait marrer. Ah oui, c'est le Laurent VI qui voulait, voilà. Pas, voulait faire c'est un film public, je pense. Quelques anecdotes de tournage apparemment pour l'anniversaire de King and Amelie qui sont du même jour, l'équipe des effets spéciaux leur a offert des détonateurs pour lancer des feux d'artifice. Voilà. Une nuit, King a privatisé un cinéma pour diffuser Godzilla et la nuit des morts vivants avec beaucoup beaucoup de bière pour toute l'équipe. Bah, j'aurais bien voulu assister à ça, tiens. Voilà. Deux de mes films préférés, ouais. All time. C'est ça. Oh putain. Et pendant les pauses, le Alter Graham, donc qui joue Deck, raconte que King écrivait, en fait, dès qu'il avait un moment. Ouais. Et lui a dit une fois, à propos de ce qu'il écrivait, « Celui-là, il va être génial, c'est sur un clown. » Ah. Voilà. Et effectivement, il est génial. « Celui-là, il va être génial, c'est la suite de Shining. » Non. Et s'il te plaît, ne fais pas ça. Le tournage se termine le 2 octobre 85. King a réussi à tenir le budget et les délais, visiblement, malgré la pause de 2 semaines. T'appelles ça une pause, toi? La pause forcée. Alors moi, dans mon montre, il y a un accident qui défonce l'œil d'un mec, j'appelle pas ça une pause, mais bon. La musique est composée par AC/DC, qui compose quelques titres inédits pour l'occasion, notamment la chanson « Who Made Who ». Après, sinon c'est une reprise, des fois avec des nouveaux genres d'enregistrements, mais d'anciens titres. La chanson qui donne son nom d'ailleurs à l'album de la BO, qui est à moitié une compil, à moitié un truc d'inédit, donc c'est le plus gros succès d'AC/DC depuis plusieurs années. Apparemment, ça a bien contribué à relancer leur carrière. Et bah, moi, je suis pas fan d'AC/DC, c'est-à-dire 2-3 chansons, ça va, mais je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Moi, j'aime bien AC/DC, mais... Force est de constater que là, les musiques se ressemblent toutes. J'ai l'impression que t'écoutes un album d'AC/DC de 70, toutes les chansons se ressemblent. Et j'en écoute un d'aujourd'hui, toutes les chansons ressemblent déjà à l'album de 70 et ressemblent... Enfin, je trouve que c'est un groupe, je vois l'intérêt du son, mais je le trouve ultra répétitif et personnellement, le côté toujours fun, toujours sautillant, ça me gonfle assez vite. Ouais, en fait, je suis pas tout à fait d'accord, je comprends ton souci, je suis pas tout à fait d'accord avec. Mais je pense qu'AC/DC, ça fait aussi partie de ces groupes. C'est des groupes de scène. Ah, peut-être. C'est vraiment des, ça fait partie de ce genre de groupe où écouter des morceaux comme ça, c'est bien. Mmh. Passer des heures et des heures à écouter, bon, pas bof bof. Mais c'est vraiment un groupe à voir sur scène, quoi. À voir des retransmissions de concerts et tout, où là, vraiment, ils pètent le feu, ils donnent tout. Quoi. Ça, oui, je veux bien le croire. Puis ça a été un groupe fondateur pour tout ce qui est hard rock et compagnie, ça, évidemment. Ah, oui. Mais tu vois, moi j'attache pas mal d'importance à l'expérience album en fait. J'aime bien quand je peux écouter tout un album, que ça mène d'un début à une fin et qu'il y a un truc. Avec AC/DC, j'ai vraiment l'impression d'une compilation de chansons plutôt. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, c'est peut-être plus un groupe du coup qui se prête à la scène. Mmh. Mais comme des fois t'as des groupes, leurs albums sont géniaux et sur scène ils sont lâchés. Hein. Ça arrive aussi. Hein. Les mecs ont aucune patate, c'est pas des bêtes de scène, mais voilà, c'est tout. Hein, un gros truc de métal symphonique ça, surtout, j'ai l'impression. Ouais, parce que ouais, les mecs sont statiques un peu, quoi. Après, il y a les groupes qui sont bons sur les deux. Oui, ça arrive aussi. Hein. Après, pour tout, hein, des fois, t'en as sur scène, ils sont insupportables. Ouais. À noter, bon, quand même, Angus, là, c'est abusé. Ton motif qui reprend Psychose, ça se voit à fond la caisse, quoi. T'as remplacé les violons par une guitare. Enfin, ce mec, est là, c'est la honte. Par rapport... retour de King sur cette expérience, il a été très très tôt assez réaliste sur son film. Il y a eu des trailers diffusés avant la sortie du film, des trailers télé où en fait c'était King devant le camion gobelin. C'est bien le Green Goblin d'ailleurs, hein. C'est bien le Green Goblin de Marvel qui est précisé au générique. Il n'y a pas de doute. Ouais. Et à l'époque, dans ses trailers, il disait « Je vais vous terrifier comme pas permis », mais bon, après, dès qu'il fait la promo sur les plateaux télé, il dit lui-même que, bon, bah, voilà, il voulait faire un film fun. Il le dit lui-même, un film de crétin. Après, pour lui, c'est pas totalement un reproche, tu vois, c'est le film que tu mates avec des potes en mettant ton cerveau sur off, et quand il cite des films du même genre, enfin d'autres films de crétins, mais pas forcément au même niveau, il cite aussi Retour vers le futur, donc c'est clairement pas une insulte de sa part. Mais il reconnaît qu'il voulait, pas, qu'il voulait et qu'il pouvait pas faire un chef-d'œuvre du 7ème art. Mais Islam, il voulait faire le cinéma qu'on aime. Ouais. Ouais. Ah, mais il voulait, il m'a dit qu'il l'a fait. On peut citer par exemple quand il parle de son expérience et notamment d'une fois où il faisait une suggestion de plan parce qu'il y avait un plan où l'équipe savait pas comment mettre la caméra parce qu'elle avait pas la place et il suggérait de déplacer la caméra. Et voilà ce qu'il dit sur ce moment-là où il a fait une suggestion malvenue. Gros silence. J'avais fait une saute d'axe. C'était un peu comme si j'avais pété à un dîner mondain. Personne n'osait me dire que j'avais fait une énorme erreur. Donc pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est en fait une saute d'axe, enfin c'est y a une règle de cinéma qui dit que quand deux personnages interagissent, la caméra, enfin on dresse une ligne entre les deux, qui relie les deux. C'est la règle des 180 degrés. Ouais c'est ça, c'est la règle des 180 degrés, et la caméra doit rester toujours du même côté de la ligne pour filmer l'un et l'autre, sinon ça donne une impression déstabilisante et on appelle ça une saute d'axe. Qui n'est pas forcément une erreur, hein. Il y a des films, enfin il y a des contextes où déjà ça passe, et il y a des films qui le font volontairement pour créer un malaise. Ouais, pour faire un message. Il y en a une que je trouve géniale dans Parasite, mais bon, on va pas détailler. Mais voilà, quand on le fait involontairement, c'est une erreur et ça fait bizarre. Voilà. King, au départ le film devait sortir en mars 86 et il est finalement sorti l'été sur demande de King, qui voulait vraiment que ce soit un summer movie. Et c'est pour ça qu'il a dû faire la promo sur les plateaux télé. Et c'est par la suite surtout qu'il va devenir encore plus clair et dire que le projet était une grosse erreur et qu'il n'avait aucun talent de réalisateur. Apparemment, il n'avait même pas particulièrement aimé être à ce poste parce qu'il y avait une partie gestion d'équipe qui déjà, bah, c'est un travailleur solitaire, King, c'est un écrivain. Hein. Il a des gens qui font des recherches pour lui, des trucs comme ça, mais bah, le gros du boulot, c'est quand même tout seul. Et ça le forçait aussi à aller contre sa tendance à plutôt travailler à l'instinct. King, c'est pas quelqu'un qui aime planifier. Faut ajouter à ça que c'était le gros pic de son addiction, enfin de son alcoolisme déjà, et surtout de son addiction à la cocaïne. La cocaïne, il arrête pas si longtemps que ça après. L'alcool, ça durera plus longtemps. Et il se rappelle en fait à peine du tournage du film. Et apparemment, il cachait quand même bien son jeu, parce que toutes les interviews que j'ai lues, bah, tout le monde dans l'équipe dit « non, ça se voyait pas trop », alors qu'ils n'ont pas vraiment de raison de mentir. En soi, King a toujours confessé qu'il était défoncé à cette époque, donc il n'y a pas de côté « on révèle un secret ». Donc je pense qu'ils sont sincères en disant ça. Et le traducteur, dont on a déjà parlé tout à l'heure, Roberto Croci, disait au sujet justement du comportement de King. « Notez que c'était les années 80. » Tout le monde prenait de la coke, mais Stephen King, non, je ne l'ai jamais vu faire, vraiment pas. Par contre, je savais qu'il était ivre. On se retrouvait à 6h du matin et il buvait ses premières bières. À 8h30, il en était à la 10e. Donc ouais, il n'était pas petit alcoolique. Là. Non, effectivement. Le film sort donc finalement le 25 juillet 86, distribué par la MGM apparemment. Il est très mal accueilli par la critique, nommé à 2 Razzie Awards, un pour King en réal et un pour Estevez en acteur principal, mais les deux sont perdus et obtenus par Prince, qui sortait son premier film à l'époque. Voilà. C'est un échec au box-office, il rapporte que 7,4 millions de dollars, donc c'est décevant finalement, vendre le film sur le nom de King entièrement, bah c'était pas une si bonne idée que ça, parce que les gens l'adoraient en tant qu'auteur, mais en tant que réalisateur, ils lui ont pas fait confiance. Alors, le film a aussi été vendu quand même sur la BO d'ACDC, hein. Oui, ça aussi. Apparaît sur toutes les affiches en gros. Effectivement, mais bon, pareil, bah, visiblement ça a surtout joué positivement pour ACDC, ça, oui, mais voilà. Pas tellement pour le film. Mais cependant, au fur et à mesure des diffusions sur les chaînes câblées, qui étaient en plein essor à l'époque et qui avaient besoin de trucs pour faire du temps de programme, le film a réussi à générer un peu d'argent et c'est aussi grâce à ça qu'il a gagné un statut culte. Un statut culte un peu chelou, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui le prennent bah, comme un nanar ou comme un mauvais film pour lequel ils ont de l'attachement, mais il y a quand même des gens qui ont l'air de l'aimer au premier degré, ce film-là. Oui, on a un peu plus de mal à comprendre, là, par contre. Bon, après, il reste mal classé. Il a actuellement 2 étoiles sur Allociné. Ça le place 39e entre Kingdom Hospital et Dreamcatcher. et 15% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, donc 42e à égalité avec La Tour Sombre et La Peau sur les Os. Il n'y a que The Mangler Reborn et Children of the Corn Runaways derrière. Bon voilà, hein, c'est comme ça. Et dans un podcast récent avec Mick Garris, toujours dans les bons coups, Joe Hill déclare, sans que j'arrive trop à savoir s'il est sérieux, que s'il devait réaliser un film un jour, ce sera un remake de Maximum Overdrive. En disant qu'il voudrait cette fois-ci partir d'un virus informatique qui avait sur les voitures autonomes et compagnie. Et effectivement, l'idée tient déjà plus la route que dans le film. Que la vieille comète pourrie. C'est ça. Que la vieille comète pourrie qui n'affecte qu'une partie des machines, qui affecte des trucs qui devraient pas être affectés réciproquement, enfin voilà. Non mais surtout qu'il les affecte que pendant 7 jours, donc c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas vrai! Tout va s'arranger quand on arrivera à la station, tu verras. Ah ouais, je vois ça. Qu'est-ce que tu vas faire encore? Ben, tu vois cet espace? À la prochaine, je fonce droit devant. Non, pas question! Ils vont tous nous attaquer et ensuite nous écraser! Je n'ai pas le choix! Et qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on sera à l'intérieur? De toute façon, nous ne risquons pas plus qu'en restant sur la route. J'ai peur. Moi aussi. Billy, viens voir, il y a deux cinglés dehors. Et bon, dernière question qu'on est en droit de se poser. Qu'est-ce que ça veut dire, Maximum Overdrive ? Oui, ça va, ça. Donc j'ai fait des recherches. Maximum Overdrive, c'est une histoire d'embrayage. Sauf que comme je m'y connais pas du tout en voiture, que j'aurais déjà pas compris l'explication en français, je l'ai encore moins compris en anglais. Mais visiblement, c'est quand on fait un truc précis avec son embrayage. Je sais pas ce que c'est un embrayage. Enfin, je crois que c'est le truc avec les vitesses, non ? Peut-être. Ou le frein. J'ai pas le permis non plus, tu sais. Enfin, en gros, des fois, quand t'appuies sur des boutons de la voiture, ça fait un maximum overdrive. Il y a une autre définition... Voilà. En fait, l'autre définition que j'ai trouvée de l'expression maximum overdrive, et celle-là, je l'ai très bien compris, donc je vais vous la donner, hein. Vous en faites ce que vous voulez. C'est sur le Urban Dictionary, pour citer ma source. J'ai très peur. Voilà, c'est dans le cadre d'une masturbation au moment où on sent venir l'orgasme, d'arrêter pendant 5 secondes de se masturber avant de le faire frénétiquement jusqu'à la jouissance pour démultiplier celle-ci. Je suis pas certain que ce soit la raison pour laquelle King a choisi ce titre, mais comme là j'ai compris ce que ça voulait dire, j'ai décidé de vous la mettre quand même pour pas finir sur une note trop idiote. Et du coup, est-ce que tu as essayé ? Non, d'accord. Pas encore, mais je peux tester et en faire part au prochain podcast. On veut une mise à jour du dossier Maximum Overdrive. C'est ça, on vous tient au courant, les tests du Vidéoclub. Et on va pouvoir passer à nos avis. Alors, Maximum Overdrive. On va être clair, net et précis. Si vous ne l'avez pas vu et vous comptez le voir, entourez-vous d'une bande d'amis avec, si vous buvez, de quoi accompagner la soirée. Auquel cas, ça risque d'être un film qui va vous paraître un peu longuet, plutôt chiant, mal réalisé, avec un casting pas toujours top, mis à part le rôle principal et d'autres personnages quand même qui s'en sortent plutôt bien. Moi, je trouve que le gamin s'en sort bien, par exemple. Ouais. Bah voilà quoi, en fait, c'est Maximum Overdrive, c'est pas très très bien. Alors c'est pas totalement nul, il y a quand même des choses qui fonctionnent. Je trouve que, en fait, toute la première partie du film fonctionne. Le moment où toutes les machines commencent à se rebeller. Oui. Ça fonctionne et du coup, c'est pour ça que c'est dommage au final qu'il y ait que des camions, du coup, qui se rebellent. Parce que tu te dis, c'est bizarre, pourquoi au début du film, il y a plein d'appareils qui le font, et puis après, il y a plus que les camions. Notamment le caméo de King au tout début, est vraiment drôle. Il est drôle. Avec le distributeur de billets qui le traite de connard, ça c'est vraiment marrant quoi. Et puis c'est pareil, la mort du coach, donc avec les canettes de boissons qui sont propulsées par le distributeur à toute vitesse, je trouve que ça fonctionne, c'est plutôt drôle, la mort est plutôt brutale, et c'est pareil, l'appareil, comment ça s'appelle, la compresseuse là, qui roule sur le gamin, ça fonctionne, voilà, toute l'introduction du film est vraiment bien, et puis au bout d'un moment, ça devient un huis clos. Enfin, au bout d'un moment, même plutôt rapidement, ça devient un huis clos dans une station service où c'est chiant et il se passe pas grand chose. Et je comprends pas pourquoi. Bah, parce que la nouvelle est un huis clos dans une station service, probablement. C'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Mais c'est dommage, parce que tu sens tout le potentiel durant les 20 premières minutes, et potentiel qui est totalement gâché après. Le souci à ce niveau-là, c'est surtout que ça fait pas vraiment de choix pendant longtemps entre le huis clos total et justement quelque chose qui verrait toute la ville. Parce qu'à la limite, ça aurait été tout du long un huis clos, il y aurait eu moyen d'installer une ambiance un peu pesante, de faire quelque chose. Mais là, il y a énormément de scènes qui se passent en dehors, on suit des personnages qui ne sont pas encore et qui arrivent petit à petit. Oui, genre le couple de mariés. Ouais, des personnages dont pour une partie on ne comprend pas pourquoi ils sont là, parce que notamment le gamin, on met très longtemps à apprendre que c'est le fils d'un des membres de la station-service. Du coup, moi je me demandais ce qu'il foutait là, pourquoi il voulait rejoindre cette station-service, d'où ça sortait. Donc, à ce niveau-là, c'est assez mal écrit, je trouve. Oui. C'est comme tous les morts qu'on croit sur le chemin. On voit qu'ils sont morts, mais on sait pas pourquoi ils sont morts. Oui. Il y a vraiment des fois, tu dis, mais... Genre, à un moment, donc c'est quand le gamin est sur son vélo, là, qu'il a fui son club de baseball, là. Ouais. À un moment, il parcourt la ville. Alors, et justement, cette scène-là est révélatrice du souci du film, c'est que ça aurait pu être une scène où on te montre les dégâts des machines qui se rebellent. Oui. Sauf que on voit des cadavres partout, et il n'y a quasiment aucun cadavre qui peut identifier pourquoi il est mort. C'est-à-dire, il y a le chien qui se retrouve avec une gueule de un jouet téléguidé dans la gueule. Mm-hmm. Bon, déjà, j'ai du mal à croire qu'une bagnole téléguidée puisse buter un chien comme ça. Je me dis, bon, c'est quand même étrange. Je sais pas. Il y a une nana qui est morte dans un buisson. Je vois que ses jambes. Il dit, bah, qu'est-ce qu'il l'a tué, tu comprends. Ouais. Il y en a une là qui est à sa fenêtre. En plus, le gamin la regarde avec insistance. Ouais, je crois qu'on voit qu'elle a un fil autour du cou. Ouais, mais t'en sais pas plus. Un fil électrique, mais oui, on n'en sait pas plus. Et puis bah, le fil électrique, il se dirige pas tout seul. Oui, mais tu peux te douter qu'il y a une machine au bout. Ouais, c'est bizarre. Mm. Et à chaque fois que tu vois un cadavre, c'est comme ça. C'est pareil, à un moment, le couple, quand ils arrivent dans une station-service aussi, et ils voient y a un mec qui est mort là contre un muret. Et tu sais pas pourquoi il est là. C'est juste il est là, il est mort. Mais là, dans le genre réaction débile, ils s'arrêtent quand même parce qu'ils ont besoin d'essence. Ouais, bah tu iras à la prochaine station, pépère, là, il y a de toute évidence un mec qui est mort et qui est recouvert de sang. Ah voilà, ton plein, tu le feras. Tu le feras autre part. Mais disons, c'est le film des réactions bizarres. Mm-hmm. C'est-à-dire, à un moment, ils sont dans la station, il y a quand même une tourelle, donc avec une sulfateuse posée au bout qui commence à canarder. Et il y a un connard qui reste debout sans rien faire. Ça justement, comment ça fonctionne les... Et du coup, il se prend une rafale. Il y a pas de moteur dans la sulfateuse. Bah normalement non. Oui, mais c'est pareil, tu vois bien que quand l'autre là, quand t'as le conteneur à essence, qui veut mettre l'essence dans le réservoir de la station parce qu'il n'y en a plus, ouais. T'as la valve qui tourne toute seule. Bah, c'est pareil, il n'y a pas de moteur dans une valve. Oui, dans les rétros non plus d'ailleurs. Enfin, il y a plein d'incohérences comme ça, devant ça, après, tu dis... Bah, le truc, c'est que comme le... À la limite, dans la nouvelle, je me posais moins la question, parce que ça dit les camions prennent vie. Ok, tous les camions, juste les camions. Oui. Ça a pas de sens, mais c'est que les camions, on sait ce que c'est, et on se dit, ok, toutes les parties du camion peuvent prendre vie. Là, à partir du moment où ça te dit les machines et où ça commence à te parler de moteur, bah ça met en avant toutes les incohérences possibles, en fait. Et... C'est ça. C'est du gâchis. Mmh. Parce que, encore une fois, au tout début du film, ils sont dans leur station là, c'est dans la partie diner de la station de service, et t'as le couteau automatique qui se met à attaquer, mais pourquoi toutes les autres machines restent neutres? Mmh. C'est bizarre. Pourquoi la caisse automatique elle se met pas à balancer des trucs ou les fours ou. Ben, il y en a plein du matos là-dedans, à un diner. Bah ouais, ouais. Pourquoi non, que le couteau? Il y a plein de trucs qui fonctionne pas. Apparemment d'ailleurs l'équipe en avait conscience pendant le tournage, hein. Ils savaient que c'était plein d'incohérences comme scénario. Ouais. Il y a une scène à la limite qui m'a un peu fait rire, même en étant tout seul chez moi non alcoolisé. Tu te dis, ah oui, donc le mec il est propriétaire de diner, puis il arrive sur un gros lance-roquette comme ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui? Avec son assistant derrière là, tiens, tic et tac, là, ils seront tous les deux avec un bazooka, qu'est-ce qu'ils foutent? Oui, ça, à la limite, c'est sympa. Après, je trouve les personnages un peu trop poussés dans les clichés, justement, celui-là, dans le cliché, je rigole parce que je suis diabolique, j'engage que des gens sortis de prison, peut-être moyen de jouer un tout petit peu plus subtilement. Et comme l'autre aussi qui vend ses bibles, là. Oui. Donc, Ouais, les personnages sont pas attachants, ça c'est un vrai problème. Ouais. Et bah, on sent le côté romancier de King qui compte sur des trucs des fois. Vraiment, le personnage de Deck, bah, dans un roman, ce serait précisé que c'est le fils d'un tel dans la station-service, mais dans un film, bah non, du coup, ça sonne pendant beaucoup trop longtemps comme une intrigue secondaire. Bah, c'est ça. Pas très intéressante. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans tout le film. Ouais. J'aime bien, pour citer quelques qualités quand même, moi j'aime bien par contre comment est iconisé, je mets des guillemets, le chef des camions, donc le camion avec le visage du Green Goblin. Lui, pour le coup, quand il est filmé, il y a toujours un petit... la caméra est vraiment placée de manière à le rendre un peu menaçant. Voilà, il y a vraiment une petite recherche sur lui pour le filmer. C'est pareil d'ailleurs pour celui avec le clown sur le cul du camion. Là. Oui. Pareil aussi, le clown est souvent montré... le dessin du clown est souvent montré de manière un peu démoniaque. Il y a une petite iconisation qui se fait sur certains camions, pas tous. Mais surtout sur lui, sur le chef des camions du coup, qui... Voilà, c'est plutôt... Il y a quelques beaux plans dans les scènes de nuit, je trouve. Pas beaucoup, pas tous, mais quelques-uns. Ouais. L'explosion de la station de service, notamment, je trouve que ça marche pas mal. Oui, c'est vrai. Même l'explosion finale, hein, quand ils sont sur les quais, là. Oui, aussi, oui, l'explosion du camion Goblin. C'est totalement débile que le camion Goblin il apparaisse comme ça, personne ne l'a entendu arriver. Ouais, bah. Voilà. Bon, en 3 tonnes, normalement, tu l'entends arriver. Je pense. Ça, à la limite, on va dire que c'est un cliché récurrent du genre. Voilà. Alors, et puis, bon, un camion, normalement, ça n'a pas une vitesse telle au bout de quelques secondes de route. Hein. Il est genre à seulement à 10 mètres du mec, il démarre, et bam, il explose la gueule, tu fais là, ça va pas aussi vite que ça, un camion. Normalement. Ah, peut-être qu'il peut modifier son démarreur, il est autonome, après tout. Mais lui, j'aime bien comment il est iconisé. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on a une raison? Pourquoi c'est le Green Goblin? Non, j'ai rien trouvé là-dessus. C'est une question que je me pose vraiment depuis que j'ai vu ce film pour la toute première fois de ma vie. Peut-être parce que, vu que c'était des camions qui étaient censés exister déjà avant, ils pouvaient pas créer. Enfin, ils se sont dit que c'était plus crédible de reprendre un design qui existait déjà. Mm-hmm. Et le Green Goblin peut avoir un côté menaçant, donc voilà. Peut-être. Hein. J'ai pas de raison précise. Il n'y a pas de raison. Il y en a probablement une, mais on la connaît pas en tout cas. Oui. C'est marrant, je me suis posé cette question depuis que j'ai vu ce film. Il y a des moments niveau jeu, on a l'impression que les acteurs savent pas trop quoi faire. Notamment la première fois, quand ils comprennent qu'ils vont devoir mettre de l'essence dans les camions. Au début, Emilio Estevez, il a l'air super content de mettre de l'essence. Il dit « Allez, on y va, on y va !» Mec, tu deviens un esclave, t'as pas de quoi être joyeux, en fait. Oui, c'est un peu de la merde ce que tu vas faire. Donc, ouais, des choix un peu incompréhensibles. Je pense que les acteurs se dirigeaient un peu tout seuls. Hein, oui, en fait. Ouais, ça aussi. Et puis, je sais pas, dans les enjeux du film, c'est bizarre, parce que il y a un moment, il y a vraiment un personnage dit clairement « Ah bah ça doit être à cause de la comète, ouais. La comète, on va en sentir les répercussions pendant 7 jours, genre le mec a tout deviné quoi déjà. » Mais du coup, pourquoi tu veux t'organiser dans un plan d'évasion si tu sais qu'au bout de 7 jours ça va être fini? Bah à la limite, parce que il est évident que les camions auront détruit tout avant le 7e jour. Mmh. Ça, c'est plus ou moins amené quand même, que oui. Dès qu'ils auront plus besoin, voilà. Là, être réfugié sur une île déserte. Je crois qu'ils veulent se réfugier sur le bateau, non? Pas dans l'île. Ah, je sais plus. Quoi. Enfin, d'ailleurs, le bateau, il devrait aussi se révolter. Il a un moteur, le bateau. Ah oui. C'est vrai. Ouais. Ça, par contre, c'est pas cohérent. C'est pas un voilier. Ouais. Voilà. C'est ça le truc. Ce serait un voilier, d'accord. Le monde entier va finir par exploser. C'est vrai. Nous les avons fabriqués. Allez, calme-toi, tu vas finir par te blesser. Mais arrête, sois raisonnable. Ne me fais pas la morale, pauvre con. Wanda, ça suffit maintenant. Ils n'ont pas le droit. On doit les détruire. Arrêtez ! Saloperie d'objet ! On vous a fabriqué ! Vous nous devez du respect ! Vous ne pouvez pas ! Vous ne pouvez pas ! Vous êtes... Ah, tu fabriqué, ils sont à nous, tu m'entends? Alors, à la limite, il y a 2-3 vannes qui, je trouve, fonctionnent, dont celle de l'écran de fin. Ça dit un vaisseau extraterrestre a été détruit par un satellite météo russe qui, par hasard, était équipé d'armes nucléaires ou un truc du genre. Ça, c'est rigolo. Oui. Pure vanne de période guerre froide. Voilà. Qui me fait un peu rire. Enfin, on te dit que les survivants survivent toujours. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, qu'aucun des héros n'est mort. Au cas où on en ait quelque chose à faire. Oui, voilà. Mais en soirée avec des potes, alcoolisés, pourquoi oui. pas. Même si, bon, j'ai quand même du mal, comme tu l'as dit avant, avec les gens qui vraiment apprécient le film premier degré. Bah, ça coche un peu toutes les cases des films fun, un peu horrifiques d'une époque. T'as la scène de cul un peu totalement random, même, pour le coup. T'as l'héroïne un peu garçon manqué, le héros qui est un brigand au grand cœur. En fait, ça coche toutes les cases. Et bah, en fait, j'ai l'impression que c'est cette, une forme de mélancolie qui pousse à apprécier des trucs qui objectivement étaient pas cool, mais juste parce qu'ils ont 30 ans. Ouais, mais. Dans tout ce que tu décris là, il y a tellement mieux. Il y a des exemples de vrais bons films, de vraies bonnes séries B qui font vraiment bien le taf. Il y en a plein. Et en plus, d'autant plus de ces années-là, il y en a plein. Ouais. Voilà, il y en a plein. Bah après, j'ai l'impression que, ouais, dans... Enfin, c'est peut-être parce que c'est la génération qui parle le plus en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est particulièrement fort avec les générations qui grandissaient dans les années 80 et 90. Mmh. Il y a vraiment une tendance à considérer tout ce qui est sorti à cette époque comme étant génial, quoi. Après, est-ce que c'est pas le lot de... toutes les générations, de penser que sa génération est la meilleure. Je me dis rarement ça de la mienne. Hein. Oui, mais parce que toi, la nostalgie ne fonctionne pas sur toi. Tu fais vraiment partie de ces gens-là où la nostalgie, bon, toi, ça n'a ni queue ni tête. Oui, non, mais à la limite, qu'on estime que les meilleurs trucs ont été produits à notre époque, pourquoi pas, mais voilà, faut garder un certain... faut savoir raison garder et savoir qu'il y avait de la merde aussi produit. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que typiquement, quand on sera en 2030, ça sera les années 2000 qui seront à la mode. Et ainsi de suite. Mmh. Tu vois, c'est inévitable. J'imagine la nostalgie sur René Top. Regarde, durant la période 2000-2010, là, c'était les années 80, ouais. Qui étaient en plein retour, en plein comeback. Ouais. Et maintenant, là, on assiste à l'inverse. C'est vraiment les années 90 qui reviennent. Ouais. La question, c'est qu'est-ce que sera du coup quand on sera dans les années 2040 et que seront les années 2010? On verra bien. C'est la malédiction de toutes les générations, en fait. C'est de penser que sa génération est la meilleure. Et pas que d'un point de vue artistique. Hein. Toujours les mêmes conneries. Moi, quand j'étais petit... Ça, tu l'entends beaucoup avec les générations 60-70. Voilà. Le monde était moins dangereux qu'aujourd'hui. On était plus cultivés. Ah, ferme ta gueule. Voilà. La langue française à l'époque, c'était une vraie langue. Voilà, c'est ça. Nous, en mai 68. Et puis après, vous avez ponctionné le monde comme des connards, là. Donc, ouais, c'est ça. Un peu, quoi. Non, mais. Ils sont plus tard de nous pour entendre. Ouais, il y en a encore qui sont restés bien, mais. Ouais, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est une minorité, j'ai l'impression. Ouais. Et donc voilà. Donc voilà, bah, c'est un film. Bah, c'est un film qui n'apporte pas grand-chose. Même d'un point de vue pur série B, en fait, il n'apporte pas grand-chose. Il y a tellement mieux. Ouais, c'est ça. Il y a tellement mieux à tout. Il aurait pu apporter quelque chose s'il avait poussé son côté gore et qu'il avait vraiment été au moins un délire gore fun. Voilà. Là, ok. Parce que oui, sinon, pour lui, s'il aurait bien fait le taf, ou même un tout petit peu mieux le taf, pour lui, il aurait eu le côté machine qui se rebelle. Ouais. Qui lui, par contre, n'est pas... On ne voit pas souvent. Il n'y a pas trop ça. Oui, effectivement. Si oui. tu veux voir un vrai film de qualité horrifique avec une voiture qui se rebelle, bah, tu regardes Christine. Oui, c'est ça. Simon Overdrive. Voilà. Et Christine, ça le traite pas tellement... Enfin, ça le traite sous un autre angle, finalement. C'est pas la machine le plus important dans Christine. C'est la relation qu'entretient le personnage et sa machine. Ouais, c'est ça. Voilà. Et dans Christine, même, je dirais, c'est cette volonté qu'a Christine à plutôt vouloir se rapprocher de l'espèce humaine plutôt que de se contenter d'être une machine. Ouais, c'est Alors que là, on voit que les camions, enfin les machines dans Maximum Overdrive, elles veulent asservir à l'espèce humaine. Mm-hmm. Parce qu'on voit quand ils sont en train de fuir, t'as ce, cette borne automatique là de fast-food. Il y a des humains ici, il y a des humains. Voilà, donc on voit que les machines détestent l'humanité. Donc c'est du coup une autre problématique que l'intestin. J'ai pas lu les paroles de la chanson d'ACDC, mais Who Made Who? C'est les humains qui ont fait les machines, enfin il n'y a pas vraiment de question. Je sais pas si les paroles, le reste des paroles est justifie ce titre. J'ai pas fait attention. Ouais. Mais c'est ce que le personnage gueule à un moment. Oui. C'est nous qui vous avons fait. Un grand moment de surjeu d'ailleurs. Et puis après elle se fait déglinguer la gueule. Parce que bien fait pour elle, elle était insupportable. Voilà. Juste avant c'était son mari qui. Je crois que son mari, celui qui fait Bazooka là, qui s'est fait déglinguer la gueule aussi. Ils sont mariés ? Non, c'était juste peut-être son employé. Je crois que c'est sous-entendu qu'ils couchent ensemble, mais ils sont pas mariés, c'est juste. D'accord. Ils se tapent ses employés, quoi. Ah. Et donc voilà, c'est pas assez divertissant pour être marquant, en fait. Que ce soit en tant que bon film ou en tant que série B qui pourrait nous procurer du plaisir. Dans le genre assez incompréhensible aussi, au départ, pourquoi les bornes d'arcade, elles peuvent hypnotiser Giancarlo Esposito ? Oui, très bizarre. D'où ça sort ? Je ne sais pas. Oui, si, j'ai noté un truc qui nous fait effectivement dire que le film a 30 ans, c'est le prix de l'essence. Ah, ça, oui. Ok, ça c'était mieux à l'époque, hein, ça, là je peux pas le dire. Les prix de tout, c'était mieux à l'époque. Ouais, mais c'est sur l'essence que parce qu'il y a des gros plans qui insistent bien sur le nombre de litres et le prix à la pompe et là. Et très probablement à cette époque-là, ils se disaient putain c'est cher. C'est fort possible que déjà à l'époque ils se le disaient. Ouais. Moi souvent ça c'est une réflexion qui me vient. Donc au bout d'un moment, à force d'écouter le Pascal, vous le savez, je lis beaucoup de comics. Mm-hmm. Et très souvent quand je lis du vieux comics, vraiment du vieux, du comics des années 40, 50, 60, et que tu vois le prix sur la cover et que tu vois 10 cents. Ouais, et tu fais, même 25 cents plus tard. Et tu fais ah oui quand même, effectivement. Ouais. Tu dis 10 cents pour il y avait moins de pages quand même, c'était peut-être 14-15 pages. Ouais. À l'époque 25 cents, je crois que c'était déjà du 20-22 hein, des fois. Ouais, des fois oui. Ouais. Et donc voilà, tu dis ah ouais quand même, le prix, oh la vache. À la limite, tu dirais c'est de l'argent qui passe entièrement pour des forêts plus responsables, pour mieux rémunérer les illustrateurs, illustratrices, scénaristes. Je dirais ok, volontiers, mais on sait que c'est pas le cas. Quoi. Voilà, c'est ça le problème. Parce que sinon, mieux payer les gens, moi je suis pour. Moi aussi. À part si c'est les patrons. Ouais. Moi aussi. En termes d'écologie, moi, je suis pour faire n'importe quel sacrifice à partir du moment où la bourgeoisie l'a fait aussi. Et le fait plus, surtout. La bourgeoisie et... ou les grandes entreprises. Ouais, parce que pour le coup, c'est un souci avec tous les projets de surtaxation des véhicules fort polluants et compagnie, c'est que globalement, c'est des trucs qui sont possédés par les prolétaires. Et du coup, là, je suis pas tellement pour... Je comprends la démarche en soi, dans la logique, mais en soi, faire peser tout le poids de ça sur les prolétaires et pas sur les bourgeois, c'est un vrai problème. Typiquement, c'est comme l'augmentation du prix de la cigarette, quoi. On sait que c'est pas les plus riches qui fument de la cigarette. Bah, ou alors que ça aura pas d'influence sur eux, parce que une augmentation de 50 centimes du paquet, le paquet pour quelqu'un qui gagne plusieurs milliers d'euros par mois. Et puis surtout quand ça change rien. Surtout quand le prix du cigare lui n'augmente pas. Ouais. C'est aussi ça. De toute façon, n'importe quelle taxe, n'importe quel impôt, pour moi n'a pas de sens s'il n'est pas progressif. Voilà. La TVA, pour moi, n'a pas de sens. Ah oui, non, on l'avait pas. La TVA, l'impôt sur le revenu n'a pas de sens. Parce que c'est ce que tu gagnes, en fait. Si tu gagnes beaucoup, l'impôt sur le revenu, si, à la limite. Si tu gagnes vraiment énormément, si. Ça dépend, en fait, parce qu'il y a gagné et gagné. Ouais. Moi, un mec qui se fait du pognon parce qu'il a des dividendes, c'est pas gagner son argent. Moi, j'appelle pas ça gagner son argent. Pour moi, c'est un... faut qu'une grosse catégorie, c'est un revenu, pour moi. Oui, mais c'est pas gagner son argent au sens où tu te lèves le matin pour aller travailler. Ah oui. Voilà. Même pour quelqu'un qui se lève le matin pour aller travailler, s'il gagne 3-4 000 par mois... Pour moi, c'est normal qu'il soit imposé. Oui, après, voilà. Encore une fois, pour moi, c'est une histoire de progression. Effectivement, le petit smicard, pour moi, il doit sorti peut-être un peu de la retraite, il doit quasiment pas être imposé. Il n'a pas de quoi. Mais à partir de certains salaires ou de certains revenus, quels qu'ils soient, pour moi, imposer, c'est normal. Et pour moi, c'est comme ça qu'il faut financer tout, qu'il faut financer les retraites, c'est en imposant à mort les gros salaires. Et voilà, les gros salaires. Ouais. En fait, c'est du cas par cas, comme d'hab. Du progressif, quoi. Mm. Et sans avoir 106 000 niches fiscales, pour que... Niche fiscale, c'est des trucs de gros riches, hein, ils en ont pas besoin. Bah, c'est leur protection à eux. Ouais, voilà. C'est leur manière de se protéger, mais ils ont pas compris. Mm. Et ils seraient cons, ils en seraient pas là. Hein. C'est pas faux. Ils seraient cons, c'est nous qui aurions l'argent, ils savent. Mm. C'est ça le problème. Quoique, en fait. Il y en a une partie qui doivent pas être vifs, mais qui sont juste héritières, et qui après ont des bons conseillers. Il doit y en avoir quand même pas mal. En fait, le problème, c'est que les plus riches sont ceux qui ont inventé ce système. Donc forcément, ils ont fait en sorte d'avoir des protections. Bah, et puis, qui se transmet de génération en génération. Il y avait eu. Enfin, je crois que c'était dans une vidéo de Mediapart, là, que j'avais vu ça. En fait, les grandes fortunes. Donc, les grandes familles, les plus riches, n'ont quasiment pas changé depuis plusieurs siècles. Et voilà. Ce podcast voilà. Dérive. Voilà, bon, c'était la discussion de gauche du podcast. Limite d'extrême gauche. Oh, oui, là, oui. C'était quoi le sujet à la base? Maximum Overdrive. On est ça d'accord, mais... Le prix de l'essence. Le prix de l'essence, après, c'est par le prix des comics. Ouais, ouais c'est ça. Enfin, le prix de la culture, en fait, en général, oui. Est problématique. Effectivement. Voilà, moi sur le film, j'ai pas grand chose à ajouter. Le Blu-ray sorti par ESC, c'est ça? Ouais. A quand même des bonus vraiment intéressants pour si vous vous intéressez à la production du film. Il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent, même si vous trouvez déjà pas mal de choses dans des articles sur internet. Donc, voilà. On va pas le cacher, le Blu-ray est très souvent en promo, en bonne promo. Hein. Oui. On va pas le conseiller de le prendre à 20 balles. Non, à 20 balles, faut pas déconner. Voilà. Mais, lors du promo, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas. Voilà. Voilà. Puis vous verrez le visage de Lisa Simpson comme ça. Et Stephen King se fait insulter de connard. C'est ça, par une machine, par un distributeur. Mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, on passe à une scène. Allons-y. Bon alors, en scène, on a eu un peu de mal à choisir, pour être très honnête. Ah oui, c'est dur. On va pas se mentir. On va vous mettre une scène vers le milieu du film où Emilio Estevez et le mari du couple essaient de voir s'il y a moyen de fuir en passant par les égouts. Bah, le père du gamin, non? C'est pas lui? Non, le père du gamin, il meurt assez tôt. C'est celui qui se fait projeter de l'essence dans les yeux. Ah et oui. Qui va partir. Comment il meurt, lui, déjà? Je sais plus. Il se fait écraser. Ah, d'accord. Non, non, le couple, ils sont tout juste mariés, ils ont pas encore d'enfants. Ah oui, non, ce couple-là. Ouais. Je crois qu'il parlait d'un autre couple. Donc, voilà. On vous passe la scène et on en parle après. Ça va? Ouais. Tu peux prendre le sac? Ouais, bien sûr. Hey, dis donc, il pèse une tonne. Ah, ça sent bon. Ça va? Ouais. Oh, je me demande combien il y a de litres de pisse là-dedans. T'as vu la tasse? Ouais, ça te fait rire. Et... Oh merde, on a de la compagnie. Ah, oh, c'est dégueulasse. Allez, fiche le camp de là. Voilà, donc si on a choisi cette scène, c'est parce que elle montre un peu en fait le problème du film dans l'écriture de ces personnages, c'est qu'à force de rechercher toujours la bonne vanne, le côté cool, bah ça les caractérise pas. Ah oui, mais les personnages sont identiques au final. C'est ça. Et ça montre aussi l'amour de Stephen King pour les excréments. Ça, on s'en a été rendu compte tout au long de sa bibliographie. Il y a une autre scène qui est plus claire, c'est juste après que le patron ait utilisé son bazooka pour la première fois. Il y a Emilio Estevez qui va interroger un de ses collègues pour en savoir plus, et il l'interroge aux toilettes, et t'as des bruits de paix pendant toute la scène. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai vu sur le club Stephen King que, apparemment, Stephen King parle du Morsecato dans une de ses dernières interviews, mais j'ai pas encore lu. Il aime bien ça, oui. Soit dit en passant, il a fini un nouveau texte. Cadeau ? Non, pas que je sache, mais apparemment, une histoire de serpent insonnette et qui ferait suite à Coup de Jour. Ah oui, j'en ai entendu parler, oui, un roman. Une nouvelle. Une longue nouvelle, apparemment, donc, j'imagine, du format. Format Les Évadés. Alors du coup, je suis à Coup de Jour, mais Coup de Jour, ça finit un peu capot pour lui. On n'en sait rien d'autre pour l'instant, donc je ne saurais pas te dire. C'est le serpent qui peut m'apporter quelque chose. Parce que c'est plus facile de résister à un serpent qu'à un berger allemand. Hein. Et du coup, c'est dingue le nombre de trucs qu'il a fini dernièrement. Puis, entre son roman qui vient de sortir, Fairy Tail qui sort dans quelques mois et qui est un énorme pavé, il a fini un roman sur Oli, il a fini ça, il y a une nouvelle qui est sortie genre cette semaine. Une nouvelle apparemment pas très pas courte, pas super longue non plus. Enfin, il a fini 150 trucs en quelques mois là. Il va peut-être trouver le moyen de revenir dans le temps. Ouais, peut-être. Plein de trucs. Il utilise le même. Bah, c'est soit ça, soit il a repris la cocaïne, et je préférerais qu'il ait trouvé comment remonter dans le temps. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah. Ou alors il nous cache pas tout et Joey l'écrit pour lui. Ah. Ah. Ouais, vache ça. Ce qui me fait marrer, c'est qu'apparemment, justement, sa nouvelle avec les serpents à sonnette, c'est des jumeaux dedans qui sont impliqués, des jumeaux enfants. Et j'ai cru comprendre qu'un de ses enfants, je sais pas lequel, vient d'avoir des jumeaux. Ah, d'accord. Donc bon, le cadeau d'accueil. Tiens, j'ai écrit un truc avec des gamins jumeaux piégés avec des serpents à sonnette. Je peux voir mes petits-fils. La famille King, qui s'agrandit. Mm-hmm. Enfin bref, pour revenir à la scène, ouais, c'est... En fait, tous les personnages se ressemblent, les seuls qui ont un caractère un peu qui se distingue, c'est le patron qui est un gros beauf NRA, comme King les aime, et la femme du couple qui est insupportable, qui passe le film à crier et à se plaindre. C'est ça. Le gamin, à la limite, vu qu'il n'est pas caractérisé, bah, c'est comme ça qu'il tient pour l'autre. Ouais, c'est ça. C'est le gamin débrouillard, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de caractère. Puis, mis à part ça, la scène n'a rien d'extraordinaire. Ça se balance des vannes, ça parle de pipi. Ouais. Voilà, il y a des rats. Il y a un rat. Mmh. L'autre, il a peur du rat, parce que les rats, c'est super gentil. Ouais. Enfin, c'est gentil, mais que ça reste gentil loin de moi. Quoi. Les rats qu'on a à la maison, ils sont très gentils. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On passe au classement. On peut passer au classement. Allez, c'est parti. Donc évidemment on ne classe pas la nouvelle, je vais juste vous redonner sa place, elle est 32e actuellement entre Brume et le dentier claqueur. Et pour les films, nous avons actuellement 47 entrées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Astrom, No Smoking Denouac, Kashiap, Dead Zone de David Cronenberg et Christine de John Carpenter, et aux 5 dernières... Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Vraiment, la fin de ce classement, c'est de plus en plus terrorisant. Ouais. Oui, ça, oui. C'est peut-être normal pour un classement de film d'horreur. C'est pas terrorisant dans le bon sens. Et donc... Où est-ce que ça va aller maximum Overdrive? Bah plutôt bas. Hein. Ouais. Ouais, en fait, je le mettrais soit au-dessus, soit en dessous des démons du Maïs 4, moi, à titre perso. Alors attends, guide mes yeux. 36e, peut-être 35e pour toi, vu que... Ouais, ça me choque pas. Même plus bas, ça me choquerait pas. Tu le mettrais où, toi? Parce que je vais pas beaucoup lutter, hein, si tu veux le descendre. Hein. Oh non, parce que des tours mortels... Pff. Il y avait le problème du message, quoi, dans des tours mortels. Ouais, voilà, c'est ça, c'est quand même bien de la merde. Même des tours mortels auraient mérité plus bas, finalement. Tant pis. Hein. Je crois qu'on l'avait mis là, des tours mortels, parce que visuellement, il tenait la route. Ouais, parce qu'il y avait une photographie qui était pas dégueu, c'est vrai. Ouais. Non, moi ici, ça me va bien. Donc, du coup, plutôt au-dessus ou en dessous des démons du Maze 4 ? Les démons du Maze 4, c'est lequel déjà ? C'est celui avec le mercure. Ah, avec le sang là ? Ouais. Il y a quand même des crimes qui sont plus fun dans le démon du Maze 4. Oui. Donc, je le mettrai en dessous. Ouais. Maximum Barbarie. Ouais, t'as raison. C'est celui où à un moment le gamin sort du sang là. Ouais, c'est ça, d'une espèce de cuve avec du sang et du mercure, je crois, aussi. Ah, et puis t'as le... t'as le... Merde, comment ça s'appelle ? C'est pas celui-là où t'as l'espèce de table roulante, là, avec une... Si, le meurtre avec la table roulante qui devient coupante tout à coup. Ah, extraordinaire. Truc de docteur. Et c'est celui avec Naomi Watts aussi, on aime bien Naomi Watts. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, bah voilà, donc pour Maximum Overdrive, 37e place, c'est-à-dire deux places au-dessus de l'autre adaptation de Poids Lourd, Trucks et Camions de l'Enfer, qui est donc 39e. Et voilà, on va pouvoir passer au tirage au sort. Eh ben, allons-y. Très bien, donc c'est parti pour le tirage au sort. Je n'ai pas encore ajouté Charlie 2022, parce que comme il n'est pas encore disponible sur support physique, on va attendre un peu. Ouais, en tout cas, ça sera fait en fin d'année. Ouais, voilà. Physique. Il nous reste quand même un peu de réserve. Quoi, il nous reste de quoi savourer. Je mélange. J'en prends un qui est un peu en dessous. Celui-là. Roulement de tambour. J'ai pioché Sac d'os de Mick Garris. Alors, autant le roman, je sais que tu l'adores. Oui. Autant Mick Garris. Sac d'os qui est ressorti d'ailleurs il y a, je crois, peut-être l'année dernière en Blu-ray. Ouais, avec potentiellement des bonus, ouais. Donc on aura peut-être de quoi faire. Je me le commanderai avec Pierce Brosnan en plus, il me semble. C'est ça, ouais. Au moins l'acting ne sera pas dégueu. Oui, c'est Mick Garris, moi, qui m'inquiète voilà. Sur Sac d'os. En plus, Sac d'os qui est un... Et le fait que c'est un truc télévisuel, alors que Sac d'os, ouais. Il est bien, bien bourrin. Ça parle de racisme, de viol. De viol, il y a 2-3 morts plutôt brutales dans Sac d'os aussi. Enfin, il est assez violent comme roman. J'ai un petit papier dans la main et j'ai tiré Darkside, les contes de la nuit noire de John Harrison, sketch, segment adapté de Un chat d'enfer. Ouais, voilà. Effectivement, c'est un... Alors, je crois que c'est un truc qui compile des épisodes de séries télé. Enfin, il faudra revérifier, c'est assez compliqué. C'est pas totalement adapté de King, c'est la même situation que Quicksilver Highway. Ouais. Mais voilà. Il y a un segment seulement dedans qui adapte King. On va parler de tout le film. Voilà. Mais pour le classement, faudra qu'on se fie que à l'adaptation de King. Oui. On essaiera. Oui, parce que pour King Xavier Away, c'est pas ce qui s'est passé au final. Oui, mais bon, il méritait ça. Vous pouvez bien être gentil un peu avec Mick Garris. Voilà. Bon, et ben, déjà, on va parler d'un gros morceau de roman dans 15 jours. Ouais, effectivement, mais qu'on a tous les deux déjà lu, donc ça va aller un peu mieux. C'est ça, une petite relecture en survol. Ouais, pareil, je pense, parce que je l'aime bien déjà. Hop. Et puis voilà. Ouais. Bah, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @gradébule pour moi. Ouais. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, on mettra les liens dans la description. On se retrouve donc dans 2 semaines donc pour Sac d'os, réalisé par Mick Garris. Toujours dans les bons coups. Toujours dans les bons coups. Et en attendant, n'oubliez pas. Que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut.